Et maintenant, le dernier épisode du podcast de Vania Jaikin Miyazaki intitulé « Mourir, c'est pas si grave ». Donc on a le troisième et dernier volet présenté aujourd'hui. Et demain, à peu près à la même heure, il y aura donc une discussion avec Vania et des invités pour parler de ce podcast. Moi, j'ai été éduquée à la sauce néon. C'est-à-dire que quand on meurt, on meurt. Après, il n'y a plus rien, c'est fini, terminé. Le corps se décompose, les petites fourmis se le partagent, et tout ce qu'il reste de nous, c'est dans le souvenir de quelques personnes qui nous ont connus. C'était un peu rêche pour une petite fille de 5 ans. Mais on m'a pas vraiment donné d'autre option, et on m'a bien expliqué que Dieu, la religion, avec son enfer et son paradis, les petits anges et tout ça, c'était du pipeau pour les paumés. Moi, je trouvais que les paumés, ils avaient quand même bien de la chance d'avoir un truc à quoi se raccrocher. Juste par précaution. Mais apparemment, l'idée répandue ici en Occident, c'est que si l'on croit en quoi que ce soit, le risque est grand de passer pour un plouc, un fantaisiste ou quelqu'un de crédule. Alors pour garder la face, on crée des tabous. Et on ne parle ni de mourir, ni de croire. Dans l'épisode précédent, nous avons écouté le témoignage de Diego, qui est médecin spécialisé dans le cancer du pancréas. Il nous a généreusement partagé les ressentis de ses patients en fin de vie, aux soins palliatifs où il travaille à Lisbonne, dans une fondation. Il nous a en quelque sorte livré les secrets d'une vie qui amène la paix au moment de se confronter à la mort. Comme avec ce médecin, on avait déjà abordé le premier tabou et que ça s'était plutôt bien passé, je me suis dit, autant aller jusqu'au bout et lui demander en quoi il croit, lui. Et contre toute attente, il m'a pas envoyé aux flûtes. Il m'a vraiment répondu. Et encore plus étonnant, il n'est pas adepte du néant. A mí me gusta creer en el tema de que... J'aime croire que nous sommes ici pour améliorer certaines choses et que lorsque nous avons fini, nous continuons sur un autre plan qui n'est ni terrestre ni physique, mais spirituel. Je crois que nous sommes dans un processus constant de marche, c'est-à-dire que nous avons marché jusque-là et nous continuons de marcher après. C'est ce que je crois personnellement en tant que Diego. En tant que médecin, je sais exactement comment fonctionne la mort du corps. J'ai des signes cliniques, quand cela arrive à un patient, qui me font penser que dans moins d'une semaine, quelques jours, il va mourir. Je connais très bien et de très près la mort physique. Qu'en est-il de l'esprit? Affirmer quelque chose serait abusif. Mais j'aime penser que je fais quelque chose ici, que je suis venu pour le faire, et que lorsque je l'aurai fait, je continuerai sur un autre chemin, dans un autre état. C'est ce que je veux croire. Et tu penses que ce que tu dois faire dans cette vie, c'est quelque chose de concret? Je suis en train de le faire. Être médecin? Ce n'est pas être médecin, c'est plutôt aider ou servir. Je suis né pour servir, tu vois? J'aime servir et j'aime aider les gens qui en ont vraiment besoin. C'est pour ça que j'ai choisi ce domaine. Après cet entretien, j'ai au moins deux choses claires à l'esprit. La première, c'est que je ne veux pas arriver le dernier jour avec le regret de ne pas avoir assez aimé. Ni aucun regret, si possible. Et la deuxième, même si ça paraît doucereux comme un dialogue de feel-good movie hollywoodien, c'est oser vivre vraiment. Est-ce que j'ose vivre vraiment totalement ma vie? Ça doit pas être si simple, sinon personne n'arriverait au bout avec des regrets, pas vrai? C'est vrai aussi que mourir me semble moins grave à partir du moment où j'ai la sensation d'avoir su profiter de la vie. Et pas que la vie, c'est ce qui est en train de se passer pendant que je suis occupée à faire autre chose. Voilà. C'était le troisième et dernier extrait de « Mourir, c'est pas si grave », qui est un podcast en 6 épisodes, en cours de fabrication et devrait être prêt à être diffusé quelque part dans la deuxième moitié de 2025. Je remercie le Fonds Gulliver, la RTS et la ville de Genève pour leur soutien et je remercie les musiciens qui m'ont permis d'utiliser leur musique aujourd'hui. Go Shine Light Wave Reason de Léonie Léonie, Bill Song de Elvis Aloïs. Si vous désirez être tenu au courant de la sortie du podcast, vous pouvez m'écrire un email à Vaniouchka, Vaniouchka, @gmail.com. Et demain, pour clore ce petit cycle, nous aurons une discussion en direct sur Radio Zine autour de notre grand tabou. Les tabous, c'est demain qu'on en parle à l'antenne de Radio Zine. Ce sera peut-être le mot du jour d'ailleurs. Et en tout cas, on remercie Vania de ces trois épisodes de ce podcast qui en comptera au final quelques-uns de plus.